Aussitôt bouge la tête comme le fait le point sur un oscillo. De bas en haut, de haut en bas, et tu t'en bats les couilles. Tant que le son est là, tu t'en bats, yo. La leçon est là, tu m'en mal. Comment veux-tu pouvoir prêter de la thune sans mal? Comment esquiver la loi, respirer la joie? Comment feinter, comment lutter, comment ça va toi? D'ailleurs tu deviens quoi, et me sors pas de mytho. J'en vends de coca, c'est genre prolongé au comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Donc baisse les bras et va plutôt laver tes chicots. Tu n'es qu'un ego, tu pensais me dominer. Va donc jouer au domino avec tes cheveux dominés. Tu n'es qu'un minot, titi et ma combiné. Comme Bernino, elle joue du feu, oiseau au dîner. J'ai pas terminé, juste ouvert le robinet. Je check le micro et je suis là, je peux te piner. Bande dessinée, je pèse les mots, comme 13 les faux. Mon vrai pour toi à halluciner. Tu fais ce dégo, non, c'est du ciné. Tu check des gros et la ferme avec ta ciné. Tu testes mes bros, non mec, c'est faux, je te pète les os. Prends numéro perso du kiné, parce que je vais t'exterminer. Te faire du mal, terminer. Te brancher au 220 volts et tu vas t'illuminer. Pour dominer, faut saigner les flots, se lécher les crocs, je fais des chauds, moi je suis calciné. Yo. Thank you.

Tellement posé, je pourrais doubler le nombre de voyelles qu'on peut devenir une demoiselle qui tombe du naze. Y'a tellement peu de bébés M, je pourrais kicker des consonnes et parler d'elle-même. Je te promets, ça choque personne. Je ferai des et puis des gros. Je suis un lion, pas un chat. Si je me wap, moi je te grrr. Je suis qu'un homme et monnette. Voilà sans phonème au maître. Et en miette, je kick des sons quand ça fait sens. Je m'arrête. Et puis je repars aussi sec. Et pas de litres de pastis que t'as bu sans eau au cul sec. Tu sais que je traîne avec des gars plus foulés que fake fuck. Tu voulais nous péter les steaks, me belek. Le billet bon mec t'électrise. Le but de faire te maîtrise, te méprise. Tu crises quand je te vexe, mais please, be the pity positive. T'as qu'à la vie, un espoir et l'espoir fait vivre. Donc le serpent se mord la queue, il trouve du plaisir. Et c'est peut-être temps pour toi, mon vieux, et tes goûts de périr. Écoute le délire, next level à l'anémie. Je suis tellement loin qu'en vrai, je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, pas de problème, je continue quand même des formules et mots, histoire qu'ils collent à mes phonèmes. Et quand je suis sur scène, bonne vibration j'amène, ainsi qu'un peu de weed en général dans mes bands. Oh yeah. C'est le petit givré, voudrais imiter mes fils vite fait. T'as mis pigé, ni t'as mis l'idée. Tu m'as irrité, va méditer. Je sais pas dessiner, si je m'y mets, tu vas halluciner. Chez moi c'est in, si mi, si mi, c'est yo. Depuis le CEO, bah il fallait s'y glisser avec les yeux glissés, yo. Ne pas laisser passer les temps, c'est les clashs, les places. Au fond de la classe, on sait, c'est le prévu pour qui on sait. Je vais méditer mes phases, imiter les sages. Pour des iros, on misinoso. Lisez entre les pages, entre les mages. Le savoir est une arme, je suis barge, moi je vais l'utiliser. Piou piou, je tire dessus. Pire, je prime sur cette même facile où la réponse du peuple n'existe plus. C'est trop facile de dire que le peuple décide. Plus je veux le pouvoir, pas le donner. Donc voter ne m'excite plus. Non, voter ne m'excite plus. Yeah. Je kick le mic, je kick le mic.

je peux me croiser la nuit en puge-là avec mon pose-là. Colorier la ville, baisant les murs sans porte-là. Pas de pause là, 4h du mat, opérationnel, je me pose là. Lâchant mes textes dans les ruelles ou à la maison, en chaussons, même dans la garrigue, c'est ça qui est bon. Quand le son m'irrigue, je deviens un lion dans la savane. Pas dans un zoo, un poisson dans l'eau, un requin. Je suis marteau, toi t'es le clou, pas celui du spectacle, désolé. Je passe pas à la télé, dans mes tablettes comme en télé. Moi j'écris des phrases affûtées comme des sabres japonais. Depuis le temps où Jolly Jumper était des japonais. Et des rimes qui font planer, qui ne font que t'étonner. Depuis le temps où ta grande sœur mange du poisson pané. Big up à Occipense, car avec tes panes, je débarque avec moi. J'ai même pas besoin de votre épanne, je suis déjà dans mes cerveaux. Soyez pas fan et respectez tes big beaux. De toute façon, on va tout scanner. Je peux te scanner. Même te fat, c'est mon son aussi fat. Dans 6 mètres, faut pas déconner. Non, faut pas vas-y qu'à toi, pépère, on va te faire le son et la lumière, les goûts et les couleurs, des verts et des pavots, des passes, des 20 km. Si tu viens en voiture, mais vas-y, bouge. Tu vas moins vite qu'une écrevisse, t'as les joues rouges. Pourtant, c'est le soleil ou le pastis, bienvenue là où il faut. Bande de touristes avec 8-4-4-0. Pas du tout triste, au contraire, smiler. Les fabricants de rimes, il faut se lever de bonheur et arrêter la flamme, mais sans ça. Un pèlerinage pour les parigots du Cap. J'étais loin du niveau du plus mauvais de chez moi. Retourne tout en haut de ta carte de France. Ici le sud et il fait chaud avec ton t-shirt. Et lève les bras bien haut comme sur le beat. Fleur de copie, BITLBO je représente. À la maison qui passe manche au beau moment. Saison carré dégravé dans ma peau et dans mon bled. Petit patin paumé, pelé de cramé. Pas armé, mon petit papa tient plein de mémé. Quelques cramés, pas de quoi s'alarmer. Il m'a mon bled gars, bienvenue à Saint-Saint. Bienvenue à Saint-Saint. La maîtrise, je l'ai, la méthode, je l'ai, suffit que je fais freeze. Faut rester con, je l'ai le niveau, je l'ai le cerveau, je l'ai le cerveau.